Bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, direction Nazelles-Négron pour une immersion au cœur de l'événement Les Clés pour l'Emploi, co-organisé par la FPP, France Travail et la mairie de Nazelles-Négron. Une journée, ou plutôt une matinée, entièrement dédiée à l'accompagnement vers l'emploi avec un objectif clair, proposer des solutions concrètes et accessibles aux personnes en recherche d'un travail, mais aussi en prise avec d'autres problématiques comme le logement, la santé, la mobilité ou encore la garde d'enfants. On s'est donc promené dans les allées et nous avons rencontré Julie Nourisson, référente de parcours du dispositif Rebondir sans attendre, et Cyril Martin, évidemment, maire de la commune de Nazelles-Négron. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Julie, je vais d'abord m'adresser à vous pour vous demander de nous expliquer en quoi consiste ce parcours Rebondir sans attendre et quel public il concerne. Le dispositif Rebondir sans attendre est un dispositif financé par le conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA. Les personnes sont accompagnées pendant 3 mois, renouvelables une fois, donc 6 mois maximum, avec un mois supplémentaire en emploi si l'emploi est mis en place ou la formation. Et donc j'accompagne les personnes sur le territoire nord-est, Amboise, Château-Renaud, Mont-Louis-Bléré. Mais on accompagne sur tout le département. On les accompagne en les voyant une fois par semaine en entretien individuel et en leur permettant d'accéder à des regroupements collectifs pour les techniques de recherche d'emploi, ainsi qu'à des actions collectives comme les Clés pour l'Emploi aujourd'hui. Ils peuvent aussi bénéficier d'une immersion d'entreprise qui leur permet d'ouvrir la petite porte vers l'entreprise et donc vers un emploi ou une formation derrière. Les difficultés que rencontrent ces personnes, là, en priorité, c'est lesquelles ? Les difficultés, ça peut être la mobilité, la garde d'enfants, la santé, le logement parfois. Ça peut être le handicap, s'il y a des problématiques plus spécifiques. Et pour une reconversion, ça peut être un parcours plus périlleux, mais ça peut également être des difficultés d'autres ordres. Le but du forum ce matin, c'était justement de pouvoir faire en sorte que les personnes puissent avoir des solutions, ou en tout cas des prémices de solutions, pour répondre aux problématiques périphériques à l'emploi, et donc soit entrer en emploi sereinement, ou soit conserver son emploi encore plus sereinement, parce que les solutions sont trouvées. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite encore à faire appel à ce dispositif? Je lui dirais de tenter, puisque de toute façon, au bout de 3 mois, elle peut décider d'elle-même de ne pas renouveler. Elle aura gagné au moins en dynamique et elle aura gagné avec certaines informations et donc qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. Moi, les personnes que j'accompagne, la plupart sont plus que satisfaites. 90 à 95% des personnes sont satisfaites et 60% des personnes retournent à l'emploi ou en formation. Donc ça vaut le coup d'essayer. Comment on fait pour vous contacter? Est-ce que les personnes sont... Il y a des prescripteurs qui les envoient vers vous ou est-ce qu'une personne qui écoute Radioactive aujourd'hui peut vous appeler directement? Alors non, c'est le conseil départemental qui nous envoie les personnes puisqu'ils doivent faire un bilan d'orientation auprès d'une personne du conseil départemental puisqu'il faut remplir certains critères, mais il y a des personnes qui arrivent directement en rendez-vous pour le conseil départemental en disant « j'ai un ami qui a fait rebondir sans attendre et j'aimerais bien le faire ». On ne va pas l'empêcher de le faire s'il y a une place de disponible pour lui. Très bien, merci Julie. Cyril Martin, vous êtes le maire de la commune. Est-ce que ce type d'événement, comme on a eu ce matin, c'est important? Je pense que c'est plus qu'important. En fait, la genèse de toute cette histoire est venue qu'on voulait faire ce genre d'outil de rencontre pour la recherche d'emploi, mais de manière plus locale, plus humaine et peut-être un peu plus petite que certains forums d'emploi qu'on peut constater sur la métropole ou sur l'Indre-et-Loire. Parce que je vois régulièrement en mairie, en CCAS, des personnes qui perdent leur emploi, perdues et qui n'osent pas demander de l'aide. Donc on s'est dit que cette formule était plutôt pas mal. Ce serait plus petit, ce serait plus là. Et vraiment, on allait chercher toutes les structures qui pouvaient lever les freins à l'emploi pour s'assurer que l'emploi était là, passer par une formation, passer par un accompagnement, une reconnaissance de handicap. Beaucoup de personnes dans les handicaps ne le font pas reconnaître par peur du regard. Et tout ça, ce sont des freins à l'emploi. C'est ajouté à ça, TI Automotive, dont tout le monde a entendu parler. Bien sûr. 156 emplois supprimés. Et là, on en parlait avec Julie, et qui est une fille exceptionnelle et qui a monté un truc superbe et qui est bien reconnue pour ça. Et je le redis et je la remercie et encore. Et il y avait du monde. Et il y avait beaucoup de monde. Même les professionnels le disent, elle a réuni beaucoup de partenaires. On avait beaucoup de partenaires et plus de 100 personnes intéressées à l'ouverture. Déjà en commençant à 9h du matin. Et du coup, donc on en a parlé, j'ai dit à Julie, mais écoute, il y a TI Automotive, il faut qu'on fasse ce forum et en plus qu'on crée de la bienveillance et qu'on entoure ces salariés-là pour qu'on soit là aussi pour eux. Parce que l'idée, c'était pas de faire un forum pour TI Automotive, on l'a répété maintenant une fois, c'était vraiment de leur apporter du concret, de l'accompagnement et de leur dire on est là. On a des solutions, on peut vous aider et on va vous emmener jusqu'au bout. Et du coup, ça a marché quoi. Voilà, ça a marché parce qu'on a simplement mis de l'humain. Je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a eu également la coopération de France Travail qui a permis de pouvoir avoir également des personnes demandeurs d'emploi qui ont pu tout simplement accéder à des informations auxquelles elles n'auraient peut-être pas pensé avant. Mmh. Et donc, il y a également eu ces prescriptions de la part de France Travail sur le territoire d'Amboise, qui est aussi un acteur impliqué de l'insertion. Très bien. Donc, une opération à renouveler. Affirmatif. J'attends que ça. Elle est prête, Julie. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les acteurs mobilisés aujourd'hui pour ouvrir des portes à celles et ceux qui en ont besoin. Ce type d'événement montre à quel point l'insertion pro est un travail collectif et humain. Vous avez cité ce mot, mais c'est important. Donc, pour en savoir plus sur les dispositifs évoqués, eh bien, ne pas hésiter à contacter la FPP, France Travail, la mairie de Nazelles. Je peux rajouter un petit mot ? Bien sûr. Je voudrais vraiment vous remercier parce que tous les médias ont été contactés. Je l'ai fait personnellement jusqu'à l'AFP, jusqu'à France 3, qui était présente pour la fermeture annoncée de Théo Automotive. Donc je remercie Radioactive parce que vous êtes vraiment là quand il faut et là pour les gens. Et c'est vraiment notre rôle. Donc merci à vous. Bah, un grand merci, monsieur Martin. Eh bien, c'est la fin de ce mag. On se retrouve dès demain à 18h pour une nouvelle édition.